non-stop. Skyrock. Trust me. Tu me parles 1005, 1006, 1007, de quoi tu me parles 1007, 1008, 1009, de quoi tu me parles. Rien à célébrer, c'est pépé, j'en suis si heureux. C'est de, c'est belé, que ça c'est de le. Si j'étais vous, je le ferais au lieu d'essayer. J'entends des bla bla bla la la la. Pour ça, je suis pas la la la la. Avec des ta la la la la.

méchant, méchant. On vient rentrer dans la légende. Ouais, ouais, ouais, ah, ça y est, zoom, zoom, zoom. Viens rentrer dans la leyenda. Ouais, ouais, ouais. Ah.